Les mass-médias de divers pays ont traité les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un avec ses photos. La télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine, le journal d'Internet Yezinaya Korea et la revue d'Internet Limchichi de Russie, les pages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjongilisme et du Comité national d'études des Zhutse du Congo démocratique et leur page d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont rapporté son inspection à l'usine de transformation de poissons saumurés de Kumsanpro et à l'entreprise halieutique de Kumsanpro qui vient d'être construite. L'agence de presse russe TASS, le réseau chinois Planet, l'agence de presse japonaise Gyodo et leur page d'Internet du Comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigérien ont présenté avec la même nouvelle le fait que le maréchal coréen s'est rendu auprès de la dépouille de Kang Gi-so en signe de profonde condoléance à son décès. L'agence de presse d'Internet russe Deita, le journal népalais Arfan et les pages d'Internet de l'Association népalaise des journalistes d'études des Zhutse et de la politique de Songun, de l'Association d'amitié Népal-Corée, du Comité brésilien de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et du Comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigérien ont rapporté l'inspection par le dirigeant suprême coréen de l'usine de kimchi du Gyeong, modèle et standard du genre en Corée.